الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، عليكم بتقوى الله تعالى وطاعته سبحانه وتعالى. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض محتم، ولا يصح إيمان عبد لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل إيمان عبد الكمال الواجب حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه وأهله وماله والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الطاعة والاتباع وترك المخالفة والابتداع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عباد الله، اعلموا أنه مما شاع عند كثير من الناس الاحتفال بالمولد النبوي، وهذا العمل من البدع المحدثة والبدع في الدين، والبدع في الدين شر عظيم وإن استحسنها بعض الناس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته: والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالحب الصحيح لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يحمل صاحبه على الاقتداء الصحيح كما كان السلف يحبونه عليه الصلاة والسلام. إن الذين أحدثوا المولد هم العبيديون، وهم شيعة رافضة، ويوم المولد عند الذين يحتفلون به هو يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بعد القرن الرابع الهجري. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، chers musulmans, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un devoir pour chaque musulman, une obligation. La foi ne peut être concrétisée, réalisée, ne peut être valide que s'il y a l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La foi ne peut être parfaite, la perfection obligatoire, tant que la personne n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa propre personne, que sa famille, que ses richesses et biens, ainsi que tout le monde. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il m'aime plus que ses parents, plus que ses enfants et plus que tout le monde. » Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en découle, ce qui prouve l'amour que tu as pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obéissance et le suivi. Le délaissement de tout ce qui est contradictoire avec la religion ainsi que les nouveautés dans la religion et les innovations. Allah, élevé soit-il, nous dit dans le sens du verset, dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Serviteur d'Allah, parmi les actes abominables, les innovations qui se sont propagées chez beaucoup de gens, il y a la célébration de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, que les gens appellent al-mawlid. Et ceci est une action inventée, innovée, et les innovations dans la religion sont un grand mal, même si il y a des personnes qui les rendent bons et qui disent que c'est une bonne chose. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Et méfiez-vous des nouveautés dans la religion, car toute nouveauté dans la religion est une innovation et toute innovation est un égarement. » De même que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude de dire lors de ses prêches « Et les pires des choses sont les nouveautés dans la religion. Toute nouveauté dans la religion est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène dans le feu de l'enfer. » Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, a dit « Toute innovation est un égarement, même si les gens la voient bien. » L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ainsi que d'autres parmi les salafs ont dit « Certains parmi les gens ont prétendu l'amour d'Allah. » Alors Allah les a éprouvés par ce verset. Puis il récita le verset dans le sens du verset « Dis, ô Muhammad, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. » Allah vous aimera. L'amour authentique, véritable, envers notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est cet amour qui va pousser la personne vers le suivi authentique. Le véritable suivi et l'obéissance au prophète, alayhi salatu wa sallam, le même amour qu'avaient les pieux prédécesseurs envers le prophète, alayhi salatu wa sallam. Ceux qui ont inventé cette innovation du Mawlid, ce sont Al-Ubaydiyoun, une dynastie, parmi les Shia, les Rawafid, qui ont inventé cette célébration. Et sachez que ce jour qui a été choisi par ces gens pour célébrer la naissance du prophète sallam coïncide avec le jour de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci a eu lieu après 4 siècles, après le 4e siècle de l'Hégire. اللهم ردنا إلى دينك ذا الجميلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا